Aujourd'hui, en écho à l'agression de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire de l'assassinat de l'ancien agent du KGB réfugié à Londres, Alexandre Litvinenko. Le 23 novembre 2006, le monde entier découvre à la télé le visage agonisant d'un homme d'une quarantaine d'années cloué sur un lit d'hôpital. Son histoire est digne d'un roman d'espionnage. Il est en effet conscient, mais condamné à mourir, empoisonné par une substance radioactive dont on ne découvrira le nom qu'après sa mort, le polonium. Durant sa lente et pénible agonie, Alexandre Litvinenko participe à l'enquête de Scotland Yard pour retrouver ses propres assassins, éléments qui renforcent l'aspect dramatique de l'affaire. Très vite, un faisceau d'indices oriente la police vers la thèse d'un acte commandité par les services de renseignement russes. Une opération qui fleure bon les méthodes d'élimination du temps de la guerre froide. Quelques semaines seulement après l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya, en pleine rue à Moscou, le nom d'Alexandre Litvinenko vient s'ajouter à la longue liste de ces dissidents politiques russes qui ont payé de leur vie leur opposition publique à Vladimir Poutine, l'homme qui aujourd'hui envahit l'Ukraine, comme les chars soviétiques l'avaient fait à Budapest et puis à Prague, quand l'histoire bégaye. Notre invité aujourd'hui, Andrei Kozovoy, maître de conférences à l'Université de Lille, spécialiste de l'histoire de la Russie et auteur du livre « Les services secrets russes des tsars à Poutine » chez Talendier, dont une nouvelle édition sort au mois de mai, auteur également d'une biographie de Léonid Brejnev. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, connectée cette semaine à l'actualité. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Londres, jeudi 21 janvier 2016. La capitale britannique se réveille. Dans les rues, passants, bus et taxis reprennent leur balai quotidien. Voilà plusieurs jours, en effet, que règne dans la capitale britannique une certaine agitation. Dans les médias, les émissions spéciales se suivent et toutes se penchent sur les détails d'une affaire judiciaire très sensible, le dossier Litvinenko. Les faits remontent à une décennie et se sont déroulés en plein cœur de Londres. Au mois de novembre 2006, un homme de 43 ans meurt à l'hôpital. La police découvre vite que la victime n'est pas Monsieur Tout-le-Monde, loin de là. Ancien officier des services secrets russes, il bénéficie de l'asile politique en Grande-Bretagne. Très vite, l'enquête démontre qu'il a été empoisonné par une substance radioactive, le polonium-210. Très vite aussi, les enquêteurs de Scotland Yard suspectent deux hommes russes, eux aussi, Andriy Lugovoy et Dimitri Kovtun. Mais au bout de plusieurs semaines d'investigation, la police et la justice britannique doivent se rendre à l'évidence, on leur met des bâtons dans les roues. Et ces bâtons, ils viennent de Moscou, où le Kremlin refuse toute audition et extradition des deux suspects que réclame le Royaume-Uni. L'affaire Litvinenko prend alors une toute autre dimension. Les Anglais soupçonnent les autorités russes d'avoir téléguidé le meurtre. La machine diplomatique entre Londres et Moscou se crispe, et bien sûr, la machine médiatique s'emballe. Et pour cause, elle tient une bonne histoire dont on pourrait faire un film. Si 10 ans après, l'assassinat d'Alexandre Litvinenko refait surface, c'est parce que pour la première fois, un juge britannique s'apprête à rendre les conclusions d'un rapport d'enquête qui, selon plusieurs médias britanniques, accable le Kremlin. Il est un peu plus de 14h ce jeudi 21 janvier 2016 lorsque Sir Robert Owen témoigne à la barre du tribunal spécial de Londres. L'homme âgé d'une soixantaine d'années est un ancien haut magistrat anglais. Désormais à la retraite, il reste consultant pour le ministère de la Justice britannique. C'est ce même ministère qui, 6 mois auparavant, lui avait demandé de prendre le relais de l'enquête judiciaire et de mener sa propre investigation publique et indépendante sur le cas Litvinenko. Résultat de son travail, on aperçoit sur la table devant lui, au tribunal, 3 gros dossiers de près de 338 pages. À l'intérieur se trouvent les procès-verbaux des auditions de 62 témoins, les photos de toutes les pièces matérielles de l'enquête, des notes d'analyse des services secrets britanniques, des relevés d'expertise, rien ne manque. Le travail est d'une rigueur digne de Sherlock Holmes. Et quand on lui demande quelles sont ses conclusions sur le dossier, la réponse de l'ancien juge est sans appel. There can be no doubt. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alexandre Lividenko a été empoisonné par M. Lugovoy et Kovtun. Il n'existe aucune preuve qui prouve que ces hommes aient des raisons personnelles de tuer M. Lividenko. Toutes les preuves pointent dans une seule direction. Quand ils ont tué M. Lividenko, ils agissaient sur ordre de quelqu'un d'autre. J'en conclus qu'il existe une forte probabilité que lorsque M. Lugovoy ait empoisonné M. Lividenko, il l'a fait sur l'ordre du FSB, l'Agence fédérale de sécurité. J'en conclus également que cette opération du FSB pour tuer M. Lidvinenko a été probablement approuvée par M. Patrouchev, le directeur du FSB, mais aussi par le président Poutine. Vladimir Poutine. Les accusations du Johan sont graves. L'information fait la une de tous les journaux télé du soir, en Grande-Bretagne, mais aussi en Europe, où Vladimir Poutine n'apparaît pas comme un modèle de dirigeant démocrate et respectueux des droits de l'homme. Et sa réaction est à l'image de sa morgue habituelle. Par la voix de son porte-parole, Poutine déclare « L'enquête britannique s'apparente à une blague ». Visiblement, on peut relier ça à l'élégant humour britannique, sauf qu'ici, il n'y a personne pour en rire. Pour les autorités russes, les Anglais donnent une dimension politique à une simple affaire criminelle. Un avis partagé par le principal suspect du dossier, Andrei Lugovoy, qui y voit une caricature des positions anti-russes de Londres. Pour une grande majorité de Britanniques, la main du Kremlin ne fait aucun doute dans cette affaire. Interrogés sur les plateaux télé, de nombreux experts sont eux aussi formels sur l'implication des services de renseignement russes dans le meurtre d'Alexandre Lividenko. Pourtant, de grandes questions restent en suspens. Quelles sont les raisons qui ont pu conduire les autorités russes à prendre la décision d'assassiner cet homme, déjà? Et puis, pourquoi avoir choisi la méthode de l'empoisonnement radioactif, de surcroît en plein cœur d'une capitale européenne? Pour le comprendre, il faut comme bien souvent remonter le temps et revenir 15 ans plus tôt sur les pavés de la Place Rouge à Moscou, à une période où l'histoire du monde bascule en direct à la télévision. Chers compatriotes et concitoyens, en raison de la situation qui prévaut actuellement, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Mercredi 25 décembre 1991, depuis son bureau du Kremlin, Mikhail Gorbatchev annonce qu'il démissionne, poussé par Boris Eltsine et tous ceux qui font table rase de ses réformes pourtant courageuses, de son refus de réprimer la volonté émancipatrice des pays d'Europe de l'Est, de sa capacité à faire basculer l'histoire, y compris à son corps défendant d'ailleurs. Bref, à bout de souffle, comme son pays, Gorbatchev jette l'éponge et l'URSS s'effondre. Sur ses traces, la jeune Fédération de Russie prend son envol, mais pour une destination inconnue. Une page de l'histoire se tourne, après les soubresauts consécutifs à la chute du mur de Berlin 2 ans plus tôt, cette fois c'en est bel et bien fini de la guerre froide. Pour le nouveau président russe, Boris Yeltsin, la tâche s'annonce immense. Alors, débordé sur tous les fronts, le pouvoir politique à Moscou ferme les yeux sur les rachats des entreprises d'État. Le pétrole, le gaz, mais aussi le charbon, secteur florissant, bascule dans l'escarcelle du privé. Une oligarchie fait main basse sur toutes les richesses d'un pays qu'elle se partage comme une galette des rois, avec comme fève le contrôle du pouvoir, dans l'ombre. Et ce sera la règle dans la Russie des années 90, toutes portes ouvertes à la corruption. La chute de l'Union soviétique marque aussi des changements profonds au niveau de l'administration et des services. Ainsi, place de la Loubianka à Moscou, le célébrissime organe de renseignement de l'URSS, le KGB, est dissous. Une partie de ses nombreux agents et officiers sont licenciés et renvoyés à la vie civile. Sur ses ruines, un nouveau service voit le jour, le FSB, pour Bureau fédéral de sécurité. Et à son tour, il devient très vite corrompu, en proie à tous les trafics. Pour 100 dollars de l'heure, certains de ses agents louent leur service à des criminels et à la mafia, oui, pour des filatures, des écoutes téléphoniques, enfin, toutes sortes d'opérations d'intimidation. Autrefois, bras armé du Parti communiste, la centrale du renseignement FSB joue désormais le rôle de garde prétorienne pour un certain nombre d'oligarques. Ces derniers l'utilisent pour arrêter et placer en détention des rivaux économiques qui ne sont en rien des ennemis de la Russie. Ainsi, les années passent et le FSB vérolait à l'image de la Russie de M. Eltsine. Au sein de la centrale de renseignement, un petit groupe d'officiers gradés s'inquiète de cette situation. Eux qui défendaient jadis les intérêts politiques de l'Union soviétique au KGB refusent d'être les pantins des milliardaires moscovites. En 1998, ils demandent à rencontrer leur directeur, un certain Vladimir Poutine, pour se plaindre de toutes ces dérives. Craignant pour leur vie, ils enregistrent quelques jours plus tôt leur déposition dans le plus grand secret face à la caméra d'un journaliste. Le premier d'entre eux, le lieutenant Andriy Pumkin, raconte. Les gens qui dirigent le FSB sont en train de créer un système dangereux. En fait, ils veulent que nous, qui sommes capables de liquider n'importe quel problème, n'importe quel gêneur, nous exécutions des ordres illégaux. Comme par exemple des kidnappings, des meurtres d'hommes d'affaires ou de personnalités politiques influentes dans le pays. Mais aujourd'hui, comme la direction du FSB n'arrive pas à contrôler ces gens-là, eh bien ils veulent tout simplement que nous nous en chargions. Assis aux côtés d'Andriy Pumkin, il y a trois autres officiers. L'un d'eux a 35 ans, il a le grade de lieutenant-colonel. À l'époque, il n'est pas connu. Il s'appelle Alexandre Litvinenko. Issu d'un milieu modeste, Litvinenko est un pur produit des services de renseignement de l'époque soviétique. Patriote, il s'engage dans l'armée à 17 ans. Formé dans un collège militaire, il intègre ensuite le service de renseignement du ministère de l'Intérieur. Puis en 1988, il entre au KGB où il devient lieutenant-colonel. À la chute de l'Union soviétique, l'officier Litvinenko est incorporé au siège central du FSB à Moscou. Il participe ensuite aux opérations spéciales en Tchétchénie en 1994. Opération, on le sait, d'une rare violence, enlèvement, dissidents politiques torturés. Litvinenko en ressort meurtri. À son retour à Moscou, il intègre l'unité spéciale anticriminalité et découvre l'ampleur de la corruption dans son pays. Écœuré, il veut alerter ses responsables. Sa rencontre en 1998 avec le directeur du FSB, Vladimir Poutine, se solde par un sermon plus ou moins menaçant. Poutine lui conseille de garder pour lui ses remords et de continuer à agir en patriote, un mur. Conscient qu'il ne pourra pas changer les choses, Litvinenko décide avec quelques-uns de ses camarades de médiatiser le combat et se présente face à la presse en novembre 1998. La situation est grave au FSB. Le bureau utilise ses ressources pour des particuliers, et ce, en dehors de tout contrôle politique et constitutionnel. Ces déclarations provoquent une onde de choc en Russie. Pour le Kremlin, Litvinenko est désormais un traître. Donc, au mois de mars 1999, la police l'arrête et l'emprisonne pendant 8 mois. À sa sortie, Litvinenko assiste, impuissant, à la prise de pouvoir par son ancien chef au fait FSB, Vladimir Poutine. Tour à tour, Premier ministre, puis président de la Russie, Poutine est aussi intouchable qu'inquiétant. Pour Litvinenko, une seule solution, la fuite à l'étranger. C'est en novembre 2000, après bien des péripéties, qu'Alexandre Litvinenko arrive à Londres avec sa famille. Après une tentative d'exil avortée aux États-Unis, le choix s'est rabattu sur la capitale britannique. Pas par hasard, car c'est ici même, en Angleterre, que vit l'un des soutiens les plus influents des Litvinenko, soutien et ami, Boris Berezovsky. Ce dernier leur trouve immédiatement une maison, il verse un confortable salaire d'appoint à Alexandre et prend en charge les frais de scolarité de leur enfant. Berezovsky est un milliardaire ex-oligarque, ancien conseiller officieux du président Eltsine, tombé en disgrâce à l'arrivée de Poutine. Litvinenko et Berezovsky se sont rencontrés des années plus tôt, en 1994, lorsque l'ancien agent du FSB avait refusé de l'arrêter et l'avait même averti qu'on cherchait à l'éliminer. Berezovsky avait pu prendre la fuite à Londres, bien conscient qu'il devait la vie à Litvinenko. Une raison qui explique sans doute l'aide et le soutien que le milliardaire lui fournit en retour à Londres. Mais pas totalement désintéressé. Berezovsky a en effet un autre projet en tête. Il veut nuire à Poutine, il veut le décrédibiliser. Conscient de l'intérêt des informations que possède Litvinenko, il lui demande alors d'écrire un livre. Ainsi sort le pamphlet « Blowing up Russia ». deux ans plus tard, livre dans lequel Litvinenko parle de corruption et de trafic dans la Russie de Poutine. Mais l'ancien agent du FSB va plus loin. Il affirme que c'est son service, oui, qui se cache derrière la série d'attentats à la bombe qui a traumatisé la capitale russe durant l'été 99. Une opération montée de toutes pièces pour permettre à Poutine de légitimer son pouvoir par la force et de partir en croisade une nouvelle fois en Tchétchénie. À sa sortie, l'ouvrage fait grand bruit en Europe et en Russie. Alexandre Litvinenko vient de signer son arrêt de mort. À Moscou, au siège du FSB, on ne tolère plus les écarts de l'ex-officier Litvinenko. Preuve en est, son portrait sert de cible pour les entraînements de la police. Dès l'année 2004, et dans le plus grand secret, un plan est mis en place pour l'éliminer, comme le découvrira bien plus tard la journaliste Manon Loiseau, dans le cadre de son enquête pour le documentaire « Meurtre en série au pays de Poutine », produit par Kappa. Durant ses investigations, elle rencontre Mikhail Trepashkin, un ancien agent du FSB. Il lui révèle alors la conversation qu'il a eue avec un homme des services secrets au moment où il était lui-même en prison. Cet homme m'a dit « Arrête tes enquêtes, réglons son compte à Litvinenko et il ne t'arrivera rien. Pourquoi veux-tu donc enquêter sur les attentats de Moscou ?» Il m'a dit ouvertement qu'un groupe avait été spécialement créé pour éliminer Berezovsky, Litvinenko et tout son entourage. Ce groupe était constitué d'agents des services secrets, des anciens et d'autres encore en activité. Des gens qui avaient de l'expérience dans ce domaine et qui avaient un plan précis, celui d'éliminer leurs ennemis. À la même période, à Londres, Alexandre Litvinenko collabore avec les services secrets britanniques auxquels il livre de précieuses informations sur les réseaux d'espionnage russes en Europe. Échange de bons procédés, il obtient le droit d'asile et un passeport anglais. Un élément qui, pense-t-il, lui garantit une certaine protection contre Moscou et le FSB. En juillet 2006, tel un signe annonciateur, l'Assemblée parlementaire russe, la Douma, vote une loi spéciale proposée par le Kremlin. Dans les grandes lignes, elle autorise l'élimination physique de toute personne considérée comme terroriste ou extrémiste par les services spéciaux du FSB. La loi s'applique sur tout le territoire de la Fédération de Russie, mais aussi à l'étranger. Autrement dit, le Kremlin délivre à ses agents un permis de tuer. La nouvelle bouleverse Alexandre Litvinenko. Il est certain d'être sur la liste. Il le confie à sa famille d'ailleurs. Et cet épisode renforce ses craintes. Un sentiment très vite conforté par un autre événement dramatique, quelques mois plus tard. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jour, nous parvient une nouvelle tragique en provenance de Moscou. En effet, on a retrouvé le corps sans vie de la journaliste Anna Politkovskaya, en bas de chez elle. Sur place, on a également retrouvé un pistolet et quatre doubles. Anna Politkovskaya était une des journalistes les plus intrépides de Russie, une des rares qui n'avait pas peur de critiquer le pouvoir pour défendre ses idées. Les révélations qu'elle avait faites dans ses livres et ses nombreux articles sur la guerre en Tchétchénie avaient fait couler beaucoup d'encre et avaient provoqué un début de scandale en Russie. En octobre 2006, la journaliste de Novaya Gazeta, Anna Politkovskaya, meurt dans des circonstances que la police russe elle-même qualifiera plus tard d'exécution. Celle qui osait porter la critique contre Vladimir Poutine et la guerre en Tchétchénie disparaît. Litvinenko connaissait Anna. Il partageait son combat. Sa mort l'affecte profondément. Quelques jours plus tard, à Londres, lors d'une cérémonie en son hommage, il prend la parole et il accuse. Mon nom est Alexandre Litvinenko. Je suis un ancien officier du KGB et du FSB. Je crois que parce que je suis ici, je dois vraiment parler et vous dire les choses. Je ne veux rien cacher et je suis content que les médias couvrent cela. À celui qui demande qui est le responsable de la mort d'Anna, je peux lui répondre directement qu'il s'agit de Monsieur Poutine, le président de la Fédération de Russie. Ces accusations brutales font sensation. Litvinenko dit tout haut ce que tout le monde en Europe pense, évidemment tout bas. Vladimir Poutine est prêt à tuer les dissidents et opposants politiques pour se maintenir au pouvoir. En rentrant chez lui ce soir-là, Alexandre Litvinenko confie à sa femme « Je suis sûr d'être prochain sur la liste. » L'histoire va lui donner raison. Спрятались в темном лесу. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dossier Litvinenko. Nous sommes à Londres, le 1er novembre 2006, dans le quartier du Mayfair. Il est un peu plus de 17h. Alexandre Litvinenko marche le long de la place de Governor Square. À sa gauche, l'imposante ambassade des États-Unis avec ses caméras, ses barrières anti-intrusion et ses marines armées de fusils M16. À sa droite, une statue hommage au président américain Franklin Roosevelt. Depuis les attentats du 11 septembre, ce quartier est devenu une zone sensible de l'agglomération londonienne. Un grand nombre de policiers y patrouillent en permanence. Un signe rassurant pour Litvinenko. Personne ne tentera de l'assassiner ici. Aujourd'hui, il a rendez-vous au bar du luxueux Millennium Hotel avec deux hommes, deux Russes, Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun. L'objet de leur rencontre, les affaires. Depuis plusieurs mois, en effet, Litvinenko s'est reconverti dans le renseignement pour des cabinets de détectives londoniens. Pour eux, il active ou réactive ses contacts dans les services de renseignement. Il obtient de précieuses informations sur des dirigeants d'entreprises russes qui commercent en Angleterre. Une expérience prospère pour l'ex-officier du FSB. D'ailleurs, les deux hommes qu'il doit voir se présentent eux aussi comme des ex-agents du Bureau fédéral de sécurité. Ils se sont rencontrés là et se sont revus récemment lors d'une soirée de gala chez leur ami commun, Boris Berezovski. À 17h15, les trois hommes s'assoient autour d'une table. C'est la troisième fois qu'ils se rencontrent en trois mois. La tradition russe veut que l'on ne discute pas sans avoir trinqué. Alexandre, qui ne boit jamais d'alcool, accepte un thé vert au miel et au citron. Il n'en boit qu'une petite gorgée, puis, à la fin de la réunion, il rentre chez lui, en taxi. Le soir même, il est pris de terribles douleurs à l'estomac et se met à vomir à plusieurs reprises. Ce qu'il recrache est de couleur grisâtre. Il y a aussi beaucoup de sang. Son épouse, Mariana, témoigne. Quand il est devenu malade, dès la première nuit, il m'a dit « Tu sais, Marina, j'ai pu manger quelque chose d'empoisonné, peut-être un poison chimique. » Pendant sa formation militaire, il avait étudié les symptômes d'un empoisonnement chimique et il m'a dit « ça y ressemble ». Moi, je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas croire que ça puisse arriver en Angleterre, à Londres. Mais pour lui, c'était vraiment évident. Au bout de deux jours, Alexandre Litvinenko n'arrive plus à se tenir debout et se plaint de quelque chose qui, à l'entendre, est à l'intérieur de lui, qui lui déchire l'abdomen. On décide de l'hospitaliser, mais son état ne s'améliore pas. Lui qui est pourtant si athlétique, sombre jour après jour dans un mal inconnu. Les analyses de sang ne donnent rien. Alors on lui fait plusieurs scanners qui révèlent, eux, de graves hémorragies internes. Il est condamné, comme en témoigne l'un de ses plus proches amis, Alex Goldfarb. Il est en très mauvais état, il a l'air d'un fantôme. Il a perdu ses cheveux, n'a pas mangé depuis 18 jours et il est nourri par intraveineuse. Convaincu qu'il a été empoisonné, Livinenko donne alors aux policiers tous les renseignements nécessaires pour reconstituer son emploi du temps. Et très vite, le soupçon s'oriente vers la piste russe et vers le FSB. D'autant plus qu'on retrouve du thallium dans le corps d'Alexandre, substance dont les effets sont comparables au mercure. La piste de l'empoisonnement est donc prouvée. Pendant ce temps, cloîtré sur son lit d'hôpital, Litvinenko, invalide, souffre le martyr. Allongé là, j'entends distinctement battre les ailes de l'ange de la mort. Je réussirai peut-être à lui échapper, mais je dois avouer que mes jambes ne courent pas aussi vite que je le souhaiterais. Je pense donc que le temps est venu de dire une ou deux choses de ma maladie actuelle. Vous réussirez sans doute à me réduire au silence, mais ce silence aura un prix. Après trois semaines de calvaire, Litvinenko s'éteint le 23 novembre 2006. Les proches qui viennent voir sa dépouille à l'hôpital témoignent de l'état tragique dans lequel ils le trouvent. Le cadavre de Litvinenko est celui d'un vieillard de 70 ans, chauve, décharné, la peau sur les os. Au même moment, les résultats de tests d'un échantillon d'urine reviennent. Ils sont positifs à une substance radioactive extrêmement rare, le polonium, un isotope qui sert dans l'industrie et l'armement nucléaire. Les traces retrouvées sont certains films, mais elles sont précieuses pour l'enquête, car elles confirment que les services secrets russes sont impliqués, tout simplement, parce que la Russie fabrique à elle seule 97% du polonium dans une usine de recherche ultra-secrète. Des traces de polonium, on en retrouve aussi à Londres. Scotland Yard passe désormais au peigne fin l'hôtel Millennium et surtout son bar, qui pourrait bien être le lieu du crime. Les médias affirment en effet savoir de sources policières que les niveaux de radiation y sont extrêmement élevés. Et il est vrai que la chaîne d'événements au Millennium semble confirmer ce scénario. Des trois Russes qui s'y sont rencontrés le 1er novembre, Alexandre Litvinenko est mort. Andrei Lugovoy, également ex-agent des services spéciaux russes, a semé partout où il est passé des traces de polonium. Dimitri Kovtoun a lui aussi été contaminé. L'agence de presse russe Interfax a en effet annoncé qu'il souffrait d'un empoisonnement aigu par radiation était dans un état critique, ce qui a été démenti plus tard. Scotland Yard s'intéresse donc de très près au déplacement de Kovtoun et Lugovoy qui sont venus à Londres à trois reprises en octobre. Des enquêteurs néanmoins très frustrés qui voient leurs interrogatoires entravés par l'hospitalisation des deux hommes et la supervision tatillonne des autorités russes. Dans les jours qui suivent, on découvre également des traces de polonium dans des avions de la compagnie British Airways. Ceux-là même dans lesquels ont voyagé Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtoun. Alors que l'enquête avance et que la piste russe semble plus sérieuse que jamais, Moscou refuse d'auditionner les deux suspects rapatriés. Raison de santé, affirme-t-on. Les relations entre Londres et la capitale russe se tendent. À l'image des mesures prises par le ministre des Affaires étrangères britannique, David Miliband. Nos objectifs sont clairs. D'abord, faire progresser le processus judiciaire. Ensuite, faire en sorte que le gouvernement russe assume les conséquences de son refus de coopérer. Enfin, nous engager à assurer la sécurité des citoyens britanniques et des visiteurs. Pour cela, premièrement, nous allons expulser 4 diplomates de l'ambassade russe à Londres. Deuxièmement, nous allons réexaminer notre coopération avec la Russie sur plusieurs sujets. Et pour commencer, nous allons suspendre la délivrance des visas aux Russes et nous allons changer notre mode d'attribution de ces visas. Troisièmement, les accords internationaux signifieront que M. Lugovoy pourra être extradé s'il voyage à l'étranger. Nous discuterons aussi avec le Parlement des besoins d'un engagement de l'Union européenne face à la Russie pour qu'elle prenne en compte nos préoccupations en ce qui concerne cette affaire. Les autorités russes réagissent en expulsant à leur tour 4 diplomates de l'ambassade du Royaume-Uni. Alors un bras de fer commence. Pour les Russes, il n'existe aucune preuve que Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtoun, leurs deux ressortissants, soient impliqués dans l'empoisonnement de Litvinenko. Pourtant, à leur retour à Moscou, les deux suspects ont été décorés de médailles militaires. L'un d'eux est même devenu député pour le parti Russie Unie, celui, tiens donc, de Vladimir Poutine. Dans les mois et les années qui suivent, l'affaire Litvinenko s'enlise dans des demandes d'audition, d'extradition, d'expertise, de procédures stériles. Il faut attendre janvier 2016 pour qu'enfin, par l'intermédiaire du juge Owen, on n'ait plus beaucoup de doutes sur cette affaire et qu'on attribue l'assassinat au FSB. À bien des égards, la mort d'Alexandre Litvinenko épouse tous les standards de la guerre froide, offrant à cette histoire un scénario solide, mais qui semble s'être trompé d'époque. Les premières lueurs, oh, je sombre. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, nous revenons sur l'assassinat d'Alexandre Litvinenko, dont nous allons parler avec notre invité Andrei Kozovoy. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste de l'histoire de la Russie. Vous êtes l'auteur du livre « Les services secrets russes des tsars jusqu'à Poutine » chez Talendier, dont une nouvelle édition sort au mois de mai. Alors, dans votre livre, vous abordez des rivages très sensibles de l'histoire russe jusqu'à aujourd'hui. Annexion de la Crimée, ingérence dans les élections américaines, empoisonnement de Sergueï Skripal et aujourd'hui la guerre contre l'Ukraine, bien sûr. Les services secrets russes sont bel et bien de retour, mais au fond, sont-ils vraiment partis ? Alors je dirais que bien sûr que non, et d'ailleurs dans mon livre, c'est une longue période qui précède les événements actuels et qu'il faut évoquer. Je commence mon livre avec la question des origines de la Russie actuelle, les racines, qui est Vienne, l'État qui est Vienne, puis ensuite bien sûr la Moscovie avec... les premières affaires d'empoisonnement et notamment puis bien sûr la Russie des tsars et des empereurs à partir de Pierre le Grand, évidemment la période soviétique très importante pour nous et en ce qui concerne l'actualité, je crois qu'on ne peut pas éviter d'évoquer la période de la guerre froide, période dans laquelle bien sûr Vladimir Poutine a fait ses armes. Alors, pilier du régime, les services secrets permettront-ils à Vladimir Poutine de maîtriser le monde ou seront-ils le monstre de Frankenstein qui provoquera sa chute ? Je ne fais que vous citer dans votre livre, que voulez-vous dire ? Eh bien, il y a une question qui anime pas mal les esprits de pas mal de commentateurs, c'est la question de savoir si les services secrets, les services de renseignement russes sous Vladimir Poutine ont une certaine indépendance ou pas, et si oui, quel est le degré de cette indépendance, quelle est leur place au fond dans le système de gouvernance de Vladimir Poutine. Ma position personnelle, qui n'a été que confortée, si vous voulez, récemment, lorsqu'on a vu les images du fameux Conseil de sécurité où Vladimir Poutine a annoncé la reconnaissance des républiques séparatistes, donc DNR et LNR, eh bien, c'est que cette indépendance, elle est factice et elle n'existe pas vraiment. En réalité, ces services de renseignement qui sont au sommet de l'État, il y a une véritable symbiose entre le renseignement, l'espionnage et le pouvoir. L'État russe, le pouvoir, bien sûr. Donc on a au cœur du Conseil de sécurité Patrouchev, le grand ami de Vladimir Poutine, qui est à la tête de ce Conseil de sécurité. Vous avez les deux têtes du renseignement, donc Bortnikov pour le FSB, le Service fédéral de sécurité, hein, qui est un petit peu mutatis mutandis, l'équivalent du FBI. Et Narishkin, là, c'est le SVR, le service du renseignement extérieur, qui est un petit peu pareil, mutatis mutandis, l'équivalent de la CIA. Eh bien, ces trois têtes-là, si vous voulez, elles sont constamment présentes autour de Vladimir Poutine. Et les hypothèses qu'on avait émises à l'époque, par exemple, de l'empoisonnement de Skripal, c'était en 2018, il y a quatre ans déjà, sur la possibilité d'une opération indépendante des services secrets, et en l'occurrence, il s'agissait des services secrets militaires que je n'ai pas encore mentionnés, qu'il faudrait mentionner ici et peut-être préciser qu'on parle toujours du GRU en utilisant le masculin. Et bon, c'est un petit détail, mais néanmoins important pour tous ceux qui s'intéressent à la langue russe et à la culture russe. Et il faudrait dire plutôt la GRU, c'est ou pour управление, pour direction, donc la direction du renseignement militaire. Voilà. Pour résumer, si vous voulez, cette idée, c'est que pour moi, il ne fait aucun doute que les services secrets russes, A, occupent une place centrale dans le pouvoir russe actuel, et B, sont entièrement aux ordres de Vladimir Poutine. Nous y reviendrons par rapport à la situation d'aujourd'hui, mais revenons en 2006. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Litvinenko, cet homme bien mystérieux? Était-il vraiment un ex-agent du KGB repenti? Et sur son meurtre, que de zones d'ombre. Absolument. Alors Litvinenko, bon, vous en avez beaucoup parlé. Alexandre Litvinenko, c'était un agent du FSB. Le FSB, je rappelle, donc c'est un petit peu l'équivalent du FBI, hein, Service fédéral de sécurité. Et Litvinenko, c'est un lieutenant-colonel, hein, et en 98, il avait donc dénoncé un complot ourdi donc au sein de ses services pour assassiner un célèbre oligarque, le plus célèbre oligarque sans doute de Russie à ce moment-là, qui s'appelait Boris Berezovsky. Oui, bien sûr. Voilà, vous avez parlé de cette histoire. Et eh bien donc, cette, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il a brisé la loi du silence qui avait été imposée aux agents du FSB. Et ça, c'était son crime pour Poutine, qui était à ce moment-là à la tête du FSB. Enfin, il faut le rappeler également. Voilà. Et Litvinenko, on le sait, est devenu un lanceur d'alerte. Il s'est réfugié d'abord en Turquie, puis il a été par Berezovsky pour s'installer en Angleterre. Et il est devenu un opposant résolu de Vladimir Poutine, et qui lui en a voulu. Et ça aussi, il faut le rappeler quand même. Pourquoi, quelles sont les raisons de son assassinat, hein? C'est qu'il a non seulement trahi cette loi du silence, mais il a également diffusé la thèse, n'est-ce pas, de l'attentat, comme quoi les attentats terroristes de septembre 99 en Russie ont été orchestrés par les services secrets russes. Qui est ce Andrei Lugovoy, le meurtrier présumé, ou tout du moins l'exécutant? Alors, Lugovoy, bon, on sait pas grand-chose de lui, hein. Après, il a été député, c'est un ancien officier du KGB, hein, qui a été devenu entrepreneur. Et moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'informations sur lui. Après, il a été donc remercié, récompensé en se faisant élire au sein de la Douma. Et ce que l'on sait également sur lui, c'est qu'il en était déjà à sa troisième tentative d'empoisonnement, ce Lugovoy. Voilà, et bon, c'est les services britanniques, hein, qui ont mené cette enquête assez détaillée, sur laquelle je n'ai pas malheureusement beaucoup d'informations. On va écouter Marina Litvinenko, la veuve d'Alexandre, et ce qu'elle dit de la mort de son mari. Lugovoy n'avait pas de raison de tuer Sacha. Ce n'était pas une vengeance personnelle, rien de tout ça. Il a simplement été l'arme que quelqu'un a utilisée. Et là est la question, qui a utilisé Lugovoy pour tuer mon mari ? Et le polonium rend tous les scénarios possibles. On peut imaginer n'importe quelle conspiration. Voilà, à partir de là, effectivement, on peut imaginer n'importe quelle conspiration. Quel est votre avis sur ce point ? Marina Litvinenko, si vous voulez, elle a remué ciel et terre pour persuader le gouvernement britannique de pousser son enquête jusqu'au bout. Et au bout de 10 ans, finalement, le gouvernement britannique va admettre que Poutine est probablement, je cite, probablement le commanditaire. Voilà. Et à la question de savoir pourquoi on l'a pas tué, par exemple, par balle, il faut savoir que l'autre homme qui était impliqué dans cet assassinat, hein, que vous avez mentionné, qui est Dimitri Kovtoun, voilà, qu'il avait rencontré avec Lugovoy dans ce fameux bar, le Millennium, à Londres, en 2006. Donc, ce Kovtoun va dire, quand on lui a posé la question, pourquoi ne pas l'avoir tué par balle, eh bien, il a cette réponse, c'était pour l'exemple. Et puis, il y a cette méthode, l'empoisonnement au polonium 210, on est ici dans quelque chose d'extrêmement élaboré. Quelques semaines après l'assassinat, un autre homme est sorti de l'ombre, un dénommé Yevgeny Limarev, on l'écoute au micro de RFI, il se déclare lui aussi en danger de mort. J'étais en contact avec Alex Litvinenko pendant beaucoup d'années. Il était actif dans beaucoup de projets et déclarations contre le régime de Poutine. Et moi, j'ai travaillé comme consultant pour M. Mario Scaramella et ce Parlement d'Italie qui était engagé dans les investigations des dossiers de KGB et ses connexions avec l'Italie. J'espère que les autorités françaises prennent au sérieux tout ce que j'ai déclaré moi-même à propos de cette histoire de fou avec Litvinenko et à propos de beaucoup de choses qui ont commencé à arriver à moi après le 17 novembre. Je sais beaucoup, trop beaucoup pour beaucoup de personnes. Ouais, il faut pas en savoir trop beaucoup, hein, Voilà, effectivement, bon, alors Yevgeny Limarev, c'est vrai que je le connais pas beaucoup, on sait qu'il est né en 1965 en Kirghizie, parfois on l'appelle Limanov sur internet, voilà, il s'est fait connaître en 2006, il habite en France, je crois toujours, hein, il me semble, avec sa femme et sa famille, hein, en Haute-Savoie, il me semble, c'est ce que j'ai cru comprendre, et il avait proposé son aide, effectivement, à plusieurs reprises aux services secrets français, italiens et anglais aussi, pour donner des informations sur l'assassinat de Litvinenko. Et aujourd'hui, je sais qu'il vit sous protection spéciale et que ce serait le fils d'un haut gradé du KGB. Voilà. Mais ça n'a jamais été véritablement confirmé, si vous voulez. Voilà. Donc, très bien. L'assassinat d'Alexandre Litvinenko intervient dans le courant du mois de novembre 2006, donc un mois seulement après celui de la journaliste russe Anna Politkovskaya. Existe-t-il ou faut-il voir un lien entre ces deux assassinats ? Et oui, en effet, Politkovskaya, célèbre journaliste de Novaya Gazeta, hein, n'est-ce pas, journal d'opposition, qui a toujours aujourd'hui le courage de ne pas s'inscrire dans la ligne de propagande du Kremlin, avait été assassinée effectivement la même année. C'était, comme vous le savez, un assassinat qui coïncidait aussi avec l'anniversaire de Vladimir Poutine, n'est-ce pas ? Ça s'est passé en octobre 2006. Voilà. Il y a parfois des coïncidences qui sont. C'est pas la même personne, c'est pas les mêmes opérateurs, c'est pas les mêmes commanditaires. Disons que. On était dans une période où effectivement c'était le deuxième mandat de Vladimir Poutine, et au cours de ce deuxième mandat de Vladimir Poutine, on a vu apparaître ou confirmer les signes de ce qu'on avait craint jusqu'ici, à savoir en fait l'émergence d'un État fondé encore une fois sur la répression, basé sur le culte de l'ancien KGB, avec un homme qui cachait de moins en moins sa nostalgie de l'époque soviétique. Pour moi, il n'y a pas véritablement de lien entre ces deux affaires, mais c'est évident qu'il faut les étudier dans le même, si vous voulez, contexte, quoi. Et que dire enfin de l'affaire Navalny ? Alors, l'affaire Navalny, c'est l'empoisonnement de Alexei Navalny qui a eu lieu, comme vous le savez, en août 2020. Hein, il montait donc. Il était à ce moment-là à Tomsk, en Sibérie, on était le 20 août 2020, et il décollait en direction de Moscou, il venait de mener une enquête sur la corruption des élites locales du parti officiel du Kremlin, et il a été pris effectivement à ce moment-là de violents maux de tête, et on a découvert par la suite qu'effectivement qu'il avait été empoisonné avec ce fameux poison dont on a beaucoup parlé depuis l'affaire Skripal, qui est le Novichok. On se retrouve dans 3 minutes, où on parlera de l'actualité, de ce qui se passe en Ukraine, d'ailleurs à la lumière des méthodes de ce pouvoir russe, de ce pouvoir de Vladimir Poutine. On écoute Au clou et pomme, Galore. Je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes sans bruit, les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. André Kozovoy, la connexion entre la rediffusion de cette émission sur l'assassinat de Litvinenko et ce qui se passe aujourd'hui C'est du ressort d'un marqueur de dictature. On a beaucoup tourné autour du pot concernant le régime russe en disant c'est une démocrature, un régime autoritaire, soyons clairs, c'est une dictature. Les dictatures tuent et empoisonnent, en l'occurrence, les opposants. Les dictatures et les dictateurs souvent se lancent dans des aventures terribles et mortifères, genre l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que... Vladimir Poutine ne s'est pas mis dans de très sales draps avec cette affaire ukrainienne. Alors, en effet, c'est une question, si vous voulez, qui agite aujourd'hui les esprits, c'est de savoir s'il y a chez lui un calcul, et si oui, s'il a conscience d'avoir fait des erreurs, ou c'est un homme qui agit de manière tout à fait irrationnelle. On a l'impression d'avoir une sorte de docteur Follamour, pour ceux qui connaissent ce célèbre film de Stanley Kubrick, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est une image que j'ai utilisée récemment pour un article paru sur The Conversation. Et c'est une question à laquelle, pour l'instant, malheureusement, on peut pas apporter de réponse. Parce que quand on essaye de décoder, un peu comme les anciens soviétologues à l'époque de la guerre froide, tentaient... en regardant les images, les photos du Politburo, si vous voulez, l'espèce de gérontocratie brejnevienne. Alors, en décodant la place des hommes les uns par rapport aux autres, leurs traits de visage, etc. Bon, on est quand même très limité hein, pour ce qui est du décodage. Et quand on regarde Vladimir Poutine, à part son air un peu fatigué, son visage un peu, on va dire, boursouflé, il n'y a pas grand-chose qui indique un changement. L'émotion, elle n'est pas là. Il est toujours, il y a toujours ce petit sourire en coin, ce petit rictus. L'air content de lui, si vous voulez. Donc voilà, on a l'impression que tout ça, ça a été anticipé et qu'il gère parfaitement bien la situation et qu'il est capable d'exercer une pression et de passer à une escalade, en l'occurrence récemment, donc mise en alerte des forces de dissuasion russes qui comportent, on le sait, un volet nucléaire. Tout ça, c'est prévu, tout ça, c'est calculé. Et voilà, bon, je crois qu'on peut pas exclure qu'il y ait les deux choses en même temps. C'est un homme à la fois fatigué, qui a vécu depuis 2 ans dans un isolement quasi complet. Et quand je dis isolement, c'est aussi parce que c'est un... Par peur du Covid ? Alors, peur du Covid, paranoïa aussi, peur des... Il faut pas, vous avez parlé des empoisonnements, il faut pas négliger cela, la peur d'un empoisonnement, la peur d'un assassinat, la peur... Vous savez, c'est quelque chose, c'est comme un fil rouge hein, dans l'histoire... de l'histoire russe, cette peur des complots, des assassinats, il y en a eu beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, dans l'histoire russe, les fameuses révolutions de palais. Donc voilà, c'est un homme à la fois capable de raisonner, un homme rationnel, capable de comprendre la situation, et en même temps, un homme qui a ses limites, et qui aujourd'hui montre des signes de fatigue évidente. Quand je parlais de Saldra, c'est que cette invasion de l'Ukraine va avoir des conséquences forcément fâcheuses d'un point de vue économique, avec les sanctions économiques du monde occidental. Est-ce qu'à un moment, on peut penser que le peuple, étouffé par ces sanctions économiques, pourrait se soulever? Est-ce qu'un soulèvement populaire est imaginable dans ce pays tenu d'une main de fer? Alors, pour moi, c'est peu probable. Très, très, très peu probable. Vous avez 142, 143 millions d'habitants en Russie. Il y a très nombreuses dissonances, entre guillemets, hein, c'est-à-dire l'impression d'une Russie unie contre une Ukraine dirigée par des néo-nazis, etc. Le message diffusé par la propagande, bien sûr, ne correspond pas à la réalité. Il y a de nombreuses dissonances, des pétitions qui circulent. Récemment, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On a les étudiants du MGIMO. Le MGIMO, c'est les fameuses écoles de diplomates de Moscou, un peu le Sciences Po Paris de Moscou, qui forge l'élite des Russes et qui a, ces étudiants ont signé une pétition contre la guerre en Ukraine. C'est du jamais vu. De l'époque de la guerre froide, on n'avait jamais vu ce genre de choses. Vous avez le courage de ces Russes qui sortent manifester. Oui, à Saint-Pétersbourg notamment. Voilà, récemment, il y a eu des femmes avec des enfants qui ont été arrêtées simplement parce qu'ils portaient des pancartes non à la guerre, si vous voulez. Aujourd'hui, ça va très loin. Et il y a une législation qui est en train de se durcir, il faut le rappeler, en Russie, où toute opposition à l'opération militaire spéciale, comme ils disent, en Ukraine, sera désormais assimilée à de la haute trahison, pourrait être assimilée. Donc voilà, il y a un courage qu'il faut bien sûr souligner chez les Russes, mais dans le même temps, je reste assez circonspect, assez pessimiste sur la possibilité d'un soulèvement populaire. Andrei Kozoroy, ce sera le dernier mot de cet entretien. Merci infiniment de nous avoir apporté vos éclairages de spécialiste. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat d'Alexandre Litvinenko. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Kevin Pelot. À suivre sur France Inter, bien sûr. Pop, pop, pop. Antoine Decaune pour son best-of qui reçoit aujourd'hui Catherine Meurice et Albin de la Simone.